je divague, je pars en zigzag. Que pourrais-je faire pour retrouver ce fil qu'Ariane n'a pu couper? J'aimerais m'accrocher, faire comme Thésée, dérouler la pelote et me laisser guider doucement au pays de mes idées, de mes idées. Et chaque fois que t'y penses, tu te dis pas de chance au joli pays de sa vie. Elle attend juste une accalmie, elle attend juste un petit crédit pour profiter de son pays. Et moi je m'échappe, je brûle les étapes. Que pourrais-je faire pour m'emparer du fil qu'Ariane m'avait donné? Je pourrais m'attacher, faire comme Thésée, mais ne pas oublier le fil de mes idées. Hisser la voile blanche pour prévenir Égée, pour prévenir Égée. Et chaque fois que t'y penses, tu te dis pas de chance au joli pays de sa vie. Elle attend juste une accalmie, elle attend juste un petit crédit pour profiter de son pays. Et moi je m'ignore, qui êtes-vous donc encore? Que pourrais-je faire pour ranimer l'espoir qu'Ariane m'avait laissé? Pourrais me noyer, faire comme Égée, me jeter dans la mer et puis me réveiller et les re-rencontrer, ceux que j'ai tant aimés, que j'ai tant aimés. Chaque fois que t'y penses, tu te dis pas de chance au joli pays de sa vie. Elle attend juste une accalmie,